pans. Je voulais pas te déranger, je suis trop pudique, j'ai plus 20 ans. Ces mouvements de tête, ton attitude ont fait la diff. Mais la perte d'un être cher, des fois développe le négatif. Ah, je voulais qu'on me kiffe, mais j'ai pas maîtrisé. Quand les histoires de femmes accouchent d'une famille brisée. Quand t'as façonné une go, mais personne s'est quitté. Mort dans le film et tu seras même pas crédité. Caroline était ma moguette, une superbe go. Un métissage au cochantilly, j'ai su faire le beau. Je voulais déguster son kiwi en appréciant son QI. Elle m'a rendu les yeux rouges, j'ai chopé le palu, c'est ma kinine. Je m'étais juré de plus jamais retomber love. Cesse les engueulades, mon cœur c'est pas une tombola. L'amour ça s'achète pas, moi je veux qu'on me love. Rare et cher, je cherche un diamant comme en Angola. Wolverine, y'a des plaies qui cicatrisent jamais. Ainsi soit-il, je vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. Je console ma peine, écrivant quelques lignes. Wolverine, y'a des plaies qui cicatrisent jamais. Ainsi soit-il, je vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. Caroline et Cajoline. Caroline et Cajoline voulait scruter mon corps. Alchimie parfaite, je l'entends hurler encore. J'ai écrit ce texte dans une salle de gym. J'en ai bavé ma stasas de vie. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho. On avait marre des crânes chauds, voulait un Aldo macho. Overdose de liqueur, ils spliffent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Je l'ai pas quitté, je lui ai juste dit gentiment je taille. Pas trop sentimental, ouais ben ça tu connais les vagues. Je pense à elle, radicale, lisant la fiche dans le RER. J'ai failli me paumer, perdre le nord vu que c'était mon repère. Mal de tête, tu primes ton number. Mais jusqu'à ma retraite, je te suis sur Twitter. J'suis le rap de nègre, le bruit et l'odeur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. J'suis pas Wolverine, y'a des plaies qui cicatrisent jamais. Ainsi soit-il, j'vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. J'console ma peine, écrivant quelques lignes. Wolverine, y'a des plaies qui cicatrisent jamais. Ainsi soit-il, j'vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. Caroline et Cajoline. Jamais, ainsi soit-il, je vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. Je console ma peine, écrivant quelques lignes. Wolverine, y'a des plaies qui cicatrisent jamais. Ainsi soit-il, je vais t'oublier, t'es qu'une bitch, amen. C'est vrai que t'étais ma Caroline. Caroline et Cajoline.